n'attend plus qu'on nous ouvre les portes. On pense qu'on a à prendre sans baisser le front. On veut se blinder, partir, s'évader, s'évader. Notre étoile faut l'honorer, honorer. Tu sais qu'on n'attend plus qu'on nous ouvre les portes. On pense qu'on a à prendre sans baisser le front. On veut se blinder, partir, s'évader, s'évader. Notre étoile faut l'honorer. Tu sais, comme laser, mais je suis tout par le coup par. Je suis coupable, je les vois tout pas. La critique est facile quand toi tu le fais pas. Tu ta salive, moi je suis au bon char. Les petits tchats gigotent, les psychiatres dégotent. Les faiblesses que tu sirotes dans le fond d'une bouteille d'inert psychote. Tu sais qu'une paire de fesses avec le diable complote. Toi tu me juges, fais du nettoyage devant ta porte. J'ai de la sincérité, ce qui t'insupporte. T'as pas super, tu sais que derrière la défaite faut se reprendre. Qui va t'apprendre? Personne, on se brûle tout seul. Donc récupère la merde, faut savoir faire le deuil. Le futur t'attend pas, je mets de la couleur sur la blancheur de mes feuilles. Tu sais comme moi que la jalousie jette l'œil. Écoute les couinés quand le tout puissant sanctionne. Ah, ah, arrêtez, je vous en supplie. Tu sais qu'on attend plus qu'on nous ouvre les portes. On pense qu'on a à prendre sans baisser le front. On veut se blinder, partir, s'évader, s'évader. Notre étoile faut l'honorer, honorer. Tu sais qu'on attend plus qu'on nous ouvre les portes. On pense qu'on a à prendre sans baisser le front. On veut se blinder, partir, s'évader, s'évader. Notre étoile faut l'honorer. Tu sais que juger le pire défaut. Ne regarde pas avec tes yeux de maquel négro. Toi tu parles de vérité mais rien tu sonnes faux. Toi tu te mets dans la merde. Sache que la cavale coûte cher. C'est ton revers de la médaille quand on perce ta chair. Tous paient, tous vendent, tous négocent. Imbécile, ceux qui parlent trop sont les dociles. Tu parles avec arrogance de ton vécu, imbécile. Oh, je te parle de bon sens. Les conséquences de la vie, tu les tires à ta sentence. J'ai pas de morale à dire, pas de morale à faire. Chacun sa conscience, chacune des blessures a son importance. Tu parles de... Ça part de rien, tes ennemis sont en bas, t'attendent. Qui te veulent, on dirait que ton orgueil demande à se rendre. Quand la roue tourne, il y a des risques. Tu sais qu'on n'attend plus qu'on nous ouvre les portes. On pense qu'on a à prendre sans baisser le front. On veut se blinder, partir, s'évader, s'évader. Notre étoile faut l'honorer, honorer. Tu sais qu'on n'attend plus qu'on nous ouvre les portes. On pense qu'on a à prendre sans baisser le front. On veut se blinder, partir, s'évader, s'évader. Notre étoile faut l'honorer. Tu prétends faire le dur incompétent. Me raconte pas ta flûte, je m'en bats les couilles. Tu parles, au final y'a que dalle. Dégage, dégage, à t'écouter. T'as tout vu, t'as tout fait. T'as fait le tour du monde en réalité. T'as rien fait, ta prétention nous prouve, tu veux être parfait. Pourquoi tu n'avoues pas lorsqu'on t'a baffé? T'as pris un peu de gras, aujourd'hui tu joues le mec chamé.